one, two, one, two. Check, check, check, check it out. The Big Bad Cyber City, baby. From LA to France, motherfucker, this how we do. Soul Assassin Committee worldwide, baby. Big Red, the motherfucking house. Woo! Woo! Smoke azul, bien chargé, bien foncé. La musique me saoule, même éteinte, elle veut jouer. J'ai un extase fou, inutile de résister. Les phrases courent, les sédales sur le cahier. Massif sur la gauche, massif sur la droite. C'est vrai que c'est rouge, mais personne se fight. Pour moi, la vibe est bonne, tant que la basse qui sonne semble efficace, c'est comme ça que je mets. Massif sur la gauche, massif sur la droite. Le son ricoche et devient big et mat. Enlève les mains de tes poches, y'a pas de raison que ça se gâte. À moins que la mort te fauche, mais y'a pas de raison qu'elle rase. Bien chargé, bien foncé. La musique me saoule. Mais quand elle veut jouer, j'ai un extase full. Inutile de résister. Les phrases coulent et s'étalent sur le cahier. Let me get down and drop around the material. Send Dog and Big Red, check us on the video. Get up on the stage and rage and start dumping. Hollow point lyrics and beats that be thumping. Got you all amazed and dazed while I'm dropping the stats, the crowd style. Some niggas that be hostile, check me from the side, the clock, my ill profile. Got skills that kill all up in my low rack. Over strong for a decade, homes, check my position. Fucking maniac when I see the opposition. I'm trained for attack, homeboy, here's the murder. From LA to France, fuck what you heard of. Bien chargé, bien foncé. La musique me saoule. Même étant elle veut jouer. T'es en extase full. Inutile de résister. Les phrases coulent et s'étalent sur le cahier. Sous l'assassin scène de Go Max Center. Wagamuffin ne joue du hip hop raga. Good boy company fool ni demain soldat. Est-ce que t'as saisi DJ Mux? Come again. Sous l'assassin scène de Go Max Center. Wagamuffin ne joue du hip hop raga. Good boy company fool ni demain soldat. Est-ce que t'as saisi DJ Mux? Lit. Kill, kill, kill. Murder, murder, murder. Les décibels te kill. Ton corps prend le fire. Est-ce qu'as-y ride a thing since a murder? Smoke as who? Ton corps prend le fire. Pas besoin d'un gérer canap pour faire brûler ça. DJ Mux, Sundog, Big Red contrôle ça. Massif fait de la se plaindre. J'veux voir tout le monde bouger comme ça. J'aime sentir les vibes et sentir les gens hit. Fuck what you heard of. Bien chargé, bien foncé. La musique me saoule. Même étant elle veut jouer. Partout dans le monde. T'es un extase full. Inutile de résister. Smoke as rule. Les phrases et s'étale sur le cahier. Mais c'est smoke as rule. Bien chargé, bien foncé. Tout le monde roule sur Paris, man. La musique me saoule. Même étant elle veut jouer. Les phrases coulent et s'étale sur le cahier. T'es en extase full. Inutile de résister. Mais c'est smoke as rule. Sundog, respect maximum large, select on mugs, maximum large, cartoon Estevan.